Vous aimez l'histoire? Vous voulez transmettre cette passion à vos enfants, à vos petits-enfants? Alors entrez dans la bibliothèque à remonter le temps. La nouvelle collection que vous attendiez. Les plus grands historiens, des ouvrages clairs, courts, illustrés, qui racontent notre passé pour donner sens à aujourd'hui et à demain. La bibliothèque a remonté le temps, l'histoire pour tous, aux éditions du Cerf. Premier tome paru, le néolithique, les vikings, les dieux égyptiens, de Gaulle. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose une collection d'émissions sur l'histoire ouvrière. Nous y croisons des trajectoires de lutte, celle de la Commune de Paris et celle du Front Populaire, à l'ombre de l'Internationale Ouvrière. Ce sont des grèves aussi, quand il s'agit de débrayer pour mieux travailler. Une histoire sociale avec des femmes au foyer pour un travail invisible et des ouvriers immigrés aux origines d'un combat politique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Les commémorations de la Commune se préparent. La Commune, éphémère mouvement insurrectionnel à Paris en 1871, en réalité un mouvement beaucoup plus large avec d'autres communes partout en France. Et aujourd'hui, nous allons suivre le destin d'un communard. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Suivons le destin d'un communard pour comprendre la Commune. Léo Frankel, le seul élu étranger de la Commune, le plus jeune communard internationaliste. Sa vie avant, pendant, après la Commune. Avant, justement, il est déjà militant. Le 2 juillet 1870 s'ouvre le troisième procès intenté à l'international. Léo Frankel répond aux questions du président du tribunal. Il explique que les capitalistes, à l'occasion d'une grève suscitée par leurs prétentions avides, sont les premiers à accuser l'international de tout le mal. Et lui n'y voit rien d'étonnant. Il s'amuse de la fable et de l'agneau. Frankel explique qu'il s'agit en ce point comme le loup de la fable qui se tenait au bord du ruisseau et accusait de lui troubler son eau, l'agneau qui se désaltérait. Le président dit « L'agneau, ce serait donc l'international ?» Frankel répond « Et le loup, c'est le capitaliste. » Frankel ajoute « L'association internationale n'a pas pour but une augmentation du salaire des travailleurs, mais bien l'abolition complète du salariat qui n'est qu'un esclavage déguisé. » Oui, c'est sûr, face à un bon orateur, il faut se méfier des procès des militants. Léo Frankel, ce n'est pas un nom extrêmement connu. Quand nous évoquons la Commune, Louise Michel apparaît, mais en réalité, les noms des communards, à part les grands comme Courbet, ne sont pas les plus mis en avant, sans doute parce que c'est un mouvement global. Julien Schussville, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Léo Frankel? Justement, le principe même de la Commune, c'est qu'il n'y a pas une personnalité qui va être mise en avant. Il n'y a pas un exécutif représenté par une seule personne, il y a un exécutif collectif. Alors effectivement, Léo Frankel va être membre de cet exécutif de 9 membres. Pour moi, il m'a intéressé d'abord parce que c'est un internationaliste, c'est un militant qui va être sur un parcours de plusieurs décennies. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi, pendant la Commune, mon livre ne parle pas que de la Commune, mais notamment pendant la Commune, pendant un mouvement révolutionnaire, comment, pour un militant de la Première Internationale, comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'il coordonne ou pas avec le centre de l'Internationale qui est à Londres à ce moment-là. Julien Schussville, Léo Frankel, communard sans frontières. Dans le titre, il y a un lourd de sens cette notion de sans frontières. C'est l'internationalisme qui nous intéresse ici, publié chez Libertalia. Nous allons suivre la vie de Léo Frankel. Et pour commencer, partons tout de suite en Hongrie. Nous sommes avec Brahms et ses danses hongroises. Julien Schussville, Léo Frankel, qui est-il? D'où vient-il? Quelles sont ses origines? Alors, il naît en fait dans une des 3 villes qui vont former plus tard Budapest, dans la ville d'Obuda, donc le centre de la Hongrie. Alors, la Hongrie est à l'époque sous domination autrichienne, donc ça va être après ce qu'on appelle l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et lui-même est vraiment austro-hongrois, dans le sens où son père est hongrois, mais sa mère est autrichienne. Donc, il naît dans une partie du centre de la Hongrie qui est germanophone, en fait. Il y a ceux qui parlent le hongrois, il y a ceux qui parlent l'allemand. Lui parle l'allemand, il comprend évidemment le hongrois, il le lit. Mais enfin, sa langue naturelle, c'est l'allemand. Et il va commencer à apprendre le métier d'ouvrier d'orfèvrerie. Hein, on dit aussi ouvrier bijoutier. Donc, un travail d'ouvrier. Hein, il travaille pour un patron, mais dans des petites entreprises, enfin des petits ateliers. Et aussi un travail qualifié, même très qualifié. Et en fait, c'est dans ce cadre-là, pour se perfectionner dans son métier, qu'il va circuler de ville en ville, de pays en pays. Donc on le voit travailler à Budapest, à Vienne, en Allemagne, à Munich, puis à Paris à partir de 1867. À Paris, il y a, dans le centre de Paris, il y a des ateliers de fabrication de bijouterie de haute qualité. Donc il va travailler comme ouvrier de bijouterie à Paris. Et c'est là qu'il va participer à la création du Conseil fédéral de l'international à Paris. Ce qui est intéressant avec ce personnage de Léo Frankel, c'est que nous ne sommes pas sur la première génération, évidemment, de ceux qui pensent ce que l'on appelle alors le socialisme. Il est né en 1844. Donc 1844, c'est sûr qu'il naît 4 ans avant le manifeste du Parti communiste de Marx. Il est de cette deuxième génération. Julien Schuswil, vous nous dites qu'il est ouvrier et qu'il voyage. En quoi ces voyages peuvent expliquer sa formation intellectuelle, en tout cas sa conscience? Il s'engage politiquement. Comment cela se construit-il? Alors c'est quelque chose d'assez courant à l'époque, hein, pour les ouvriers qualifiés de circuler dans différents pays d'Europe. Et effectivement, ils constatent que la condition ouvrière est un petit peu partout la même. Mais ils apprennent comme ça des techniques particulières à leur métier, mais ils apprennent aussi des formes d'organisation des travailleurs. Les premières organisations syndicales, des organisations politiques, les premières organisations socialistes. Et il semble que ce soit à Munich qu'il ait adhéré pour la première fois à une structure du mouvement ouvrier naissant. Et pour lui, donc, ce qu'il voit, c'est d'une part que la situation des travailleurs est la même suivant les pays, mais aussi il voit que quand les travailleurs s'organisent, s'auto-organisent par eux-mêmes, ils obtiennent des choses. Ils obtiennent des augmentations de salaire, des baisses du temps de travail, des améliorations de leurs conditions de vie. Mais rapidement, conformément au reste du mouvement socialiste le plus radical à l'époque, il voit plus loin, il voit une société débarrassée de l'exploitation. Donc, d'où l'abolition du travail salarié qui était présent dans la citation que vous avez citée. Ah, c'est drôlement intéressant de voir qu'il y a cette formation intellectuelle qui passe par des lectures et puis ce parcours qui passe par des rencontres. Les lectures, quelles sont-elles? Alors, ces premières lectures, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à Paris, il entre en contact avec une des filles de Karl Marx, Laura, qui était mariée avec Paul Lafargue, militant de l'International. Et il y a assez peu de germanophones, hein, quand même. Il y a quelques ouvriers allemands à Paris, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, Laura Lafargue, prête à Léo Frankel un exemplaire du Capital. Donc, Le Capital de Marx, paru en 1867, publié à 1000 exemplaires en allemand. Et à l'époque, il n'y a que 6000 exemplaires. Il faut lire l'allemand pour lire Le Capital. Et il faut être motivé, parce que c'est relativement long. Et donc, Léo Frankel est un des premiers, si ce n'est le premier, en France, à lire Le Capital, donc dans sa version d'origine. Et il est relativement convaincu dès le début. C'est drôlement intéressant d'imaginer qu'il est en train de lire l'ouvrage qui fait référence sur notre pensée de construction de ce monde socialiste. Et puis, dans le même mouvement, il y a des rencontres. En 1866, à Genève, sont déposés les statuts généraux de l'Association internationale des travailleurs. Considérant que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, que la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière n'est pas une lutte pour des privilèges et des monopoles de classe, mais pour l'établissement de droits et de devoirs égaux et pour l'abolition de toute domination de classe, que l'assujettissement économique du travailleur au détenteur des moyens du travail, c'est-à-dire des sources de la vie, est la cause première de la servitude dans toutes ses formes, de la misère sociale, de l'avilissement intellectuel et de la dépendance politique, que par conséquent, l'émancipation économique de la classe ouvrière est le grand but auquel tout mouvement politique doit être subordonné comme moyen. Pour ces raisons, l'Association internationale des travailleurs a été fondée. Un extrait des statuts généraux de l'Association internationale des travailleurs, lu dans le cours de l'histoire sur France Culture par Daniel Königsberg, Julien Schussville, Léo Frankel et l'international, disons-le, sont des gens très proches. Il y participe dès ses débuts. Alors non, parce qu'en 1864, il ne semble pas qu'il participe à la création et à ses débuts. Il est tout jeune, hein, il a 20 ans. Oui, alors oui, il est jeune, mais par ailleurs, il n'est pas, semble-t-il, introduit dans le mouvement ouvrier encore à ce moment-là. Il adhère plus tard, on ne sait pas exactement à quelle date, sans doute entre 1867 et 1869. Ce qui est vraiment important, c'est que à Paris, dans les années 1869-1870, il y a de forts mouvements de grève, avec une double dimension, hein, une dimension sociale, hein, donc contre l'exploitation, et une dimension politique contre le Second Empire, hein, contre la dictature de Napoléon III. Donc un mouvement à la fois, je dirais, républicain radical, pour une république qui soit sociale, hein, pour un changement des choses au niveau social. Et là, il participe à l'essor de l'international à Paris et à la formation du Conseil fédéral donc de l'international à Paris. Et il est partie prenante de ce mouvement-là et il correspond aussi avec des militants de l'international dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Et il écrit déjà des articles en allemand dans des journaux de l'international dans différents pays. Oui, il faut bien rappeler le contexte. Hein. Nous sommes à un moment où, sous le Second Empire, il évolue à Paris. Alors vous dites dictature, c'est sûr que c'est le regard des internationalistes. Il y a l'Empire à Paris, comme il y a l'Empire en Autriche-Hongrie, comme il y a la royauté au Royaume-Uni. Mais il y a cette grande question de croisement, de rencontre qui se passe notamment à Paris. Et Frankel y assiste, l'exposition universelle. L'or coule à flot. C'est la fête impériale. Jamais la France n'a connu une telle prospérité. L'exposition de 1867 au Champ de Mars célèbre la naissance de la grande industrie et les miracles du machinisme. La grande aventure du chemin de fer, financée par les banquiers, les Pereire, les Rothschild, entraîne toute l'économie. La production de fonte et de charbon a triplé. Le prix de cette prospérité, c'est la misère des ouvriers. Depuis quelques années, les grèves se multiplient. La première internationale, animée par Karl Marx, vient d'être créée. Les syndicats s'organisent. La révolte court. L'exposition universelle de 1867, évoquée sur FR3 en 1976, dans l'émission Les Grandes Batailles du Passé, qui évoque cette prospérité magnifique, le Second Empire, la France, entre de plein pied dans la révolution industrielle, et puis ce corollaire, c'est la misère ouvrière. Il y a ça aussi, à quoi assiste Léo Frankel, de voir cette misère. Il y a dans sa réflexion plusieurs directions. Améliorer le sort de la population ouvrière, détruire le salariat. Il y a une réflexion extrêmement poussée avant même la Commune. Oui, bien sûr. Mais aussi nourri de ses lectures, nourri de ses rencontres. Parce que l'international, c'est aussi un milieu où on rencontre des travailleurs de différentes professions. Des travailleurs et des travailleuses, d'ailleurs. C'est important et on y reviendra sans doute au moment de la Commune. Il y a quand même des militantes dans l'international, même si elles sont minoritaires, donc de différentes professions. Donc pour lui, vraiment, l'objectif, c'est la lutte pour la disparition de toute forme d'exploitation. Donc, ce qui est un objectif ambitieux, hein, vaste, mais qui correspond à une analyse de la société extrêmement construite. Donc, c'est pas seulement un militantisme au quotidien, c'est notamment ça. C'est notamment un soutien aux grèves quand elles se déclenchent spontanément. Voilà, il y a une solidarité financière pour les grévistes. Il y a un relais dans les journaux qui sont proches de l'international. Alors, c'est difficile parce que les journaux peuvent être censurés, etc. Hein. Les journaux de l'international sont fréquemment saisis, interdits. Mais enfin, il y a quand même cette solidarité concrète au quotidien et en même temps cet objectif de changement de société, de renversement du mode de production capitaliste en fait. Ce qui pose un petit souci évidemment sous le Second Empire, mais pas uniquement sous le Second Empire en France, enfin partout en Europe, par rapport à la police. Léo Frankel est évidemment surveillé, évidemment il est poursuivi pour ses idées, en tout cas pour ses associations. C'est ça. En fait, le Second Empire veut en finir avec l'international. Alors sans doute sur la base d'ailleurs un peu d'une surestimation du rôle de l'international. Hein, le Second Empire considère que les grèves sont fomentées par l'international. C'est pas ça, en fait. Hein. Les grèves sont faites par les travailleurs qui constatent bien que leurs conditions de travail, de conditions de vie, sont pas possibles. Enfin, et donc, c'est des mouvements spontanés que l'international soutient, mais après coup. Le Second Empire pense qu'en abattant l'international, on va résoudre le problème. C'est totalement illusoire. Mais enfin, donc, il y a ce procès qui est fait, en théorie, contre société secrète. Mais enfin, l'international n'était pas du tout une société secrète. Et donc, Léo Frankel est condamné. Il est condamné à 2 mois de prison, ce qui n'est pas énorme. Il y a d'autres condamnés qui sont condamnés à des peines plus lourdes. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il n'est pas perçu comme étant un des principaux dirigeants. Et ça, ça va changer assez rapidement au cours des mois suivants. Nous sommes en juillet 1870, lors de ce procès, à l'été 1870, sur la chronologie, c'est étonnant, mais dans le même moment, c'est vrai que le pouvoir a d'autres préoccupations puisque c'est la guerre contre la Prusse. À ce moment-là, 1870, nous sommes bien avant la Commune, tout ça n'est pas encore imaginable. Quelles sont les relations de Léo Frankel avec Marx, avec les autres grands dirigeants de ce mouvement internationaliste? Avec Marx notamment, qui est plutôt lui le penseur de la chose. Oui, Marx n'a pas un rôle sur le papier, un rôle vraiment dirigeant au sein de l'international, mais il impulse quand même un certain nombre d'orientations. À ce moment-là, Frankel, comme je le disais, n'est pas vraiment une des figures les plus importantes. Les militants les plus reconnus, ceux qui ont le plus de contacts, c'est quelqu'un comme Eugène Varlin, par exemple, qui est un ouvrier relieur, qui est plus connu que Frankel. Mais Frankel a des contacts parce que aussi il parle plusieurs langues, ce qui n'est pas si courant que ça en France à l'époque et peut-être même encore aujourd'hui. Donc il peut avoir une correspondance directe avec des militants de différents pays. Et bien justement, en septembre 1870, les Français ont intérêt à se mettre à l'allemand. Sans le contrat, on ne pouvait rien faire. Il y en a trop. Les Bavarois, les Hessois, les Prussiens. Et puis leur canon Krupp, c'est l'enfer. Et le maréchal MacMahon, il en chialait comme un gosse. Les chasseurs d'Afrique, vous les avez vus? Pas vus. C'est les cuirassiers qui chargeaient à Mosbrun. Dans les houblons. Les pauvres. Un vrai carnage. Et l'empereur? Qu'est-ce qu'il fait, l'empereur? Il fait pitié, l'empereur. Voilà, l'empereur fait pitié. C'est la défaite de Sedan racontée par un soldat à travers un documentaire diffusé sur Arte en 1996. Enfin, plus qu'un documentaire, un téléfilm, Les Alsaciens ou Les Deux Mathildes, hein, le téléfilm de Michel Favart. Septembre 1870, l'Empire s'effondre, la République est proclamée. Pour quelqu'un comme Léo Frankel, qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, on peut se dire qu'il y a opportunité ici d'agir. Oui, alors d'une part, la proclamation de la République entraîne sa libération de prison. Pour lui, c'est déjà un point important. Donc ça lui permet il était emprisonné à ce moment-là à Beauvais, ça lui permet de revenir à Paris. D'autre part, pour un militant comme lui, la France, c'est la patrie de la République. Or, la République, ça fait longtemps qu'on ne l'avait plus vue. Donc là, quand même, la République revient, donc il y a un espoir. Mais ça dépend quelle République. Et là, il y a évidemment une division. Le gouvernement provisoire, certes, il est républicain, mais sur sa gauche se trouvent notamment les militants de l'international, mais pas seulement, qui sont pour une république démocratique et sociale, universelle. Donc, il y a cette dimension internationaliste. L'international appelle, dès septembre 1870, à former les États-Unis d'Europe, alors comme phase transitoire hein, vers une société mondialisée, une société communiste en réalité, sans État ni frontières. Mais déjà, la question se pose de quelle république et une république au service de qui? Et pour Frankel, c'est évident que la question fondamentale, c'est la question sociale. Est-ce que la situation des travailleurs va changer? Est-ce que la situation des travailleurs va enfin s'améliorer? Et là, évidemment, ils sont... ils n'attendent pas grand-chose du gouvernement provisoire, mais enfin... On peut dire qu'ils sont éventuellement déçus. Et donc, il y a cette tentative de mettre en place un autre régime. Et à Paris, on se souvient de ce mot de commune et d'une idée de démocratie directe, de Paris qui élirait sa propre direction, sa propre commune. Et donc, déjà, dans les premiers mois de la Troisième République, il y a cette idée qui apparaît. C'est intéressant hein, de le souligner, Julien Chuseville, de se dire qu'en septembre 1870, déjà, il y a cette idée qu'une commune est possible. Mais la guerre continue, la République poursuit la guerre contre la Prusse, la Prusse devenue ensuite Allemagne. Justement, quelqu'un comme Léo Frankel, à ce moment-là, fait partie d'un de ces multiples courants de la République. Il y a eu des républicains ralliés à l'Empire auparavant, il y a des républicains modérés, il y a des républicains plus ou moins poussés vers une république universelle, vous l'avez très bien dit. Que vient faire Ferdinand Lassalle dans cette histoire, dans la construction de la pensée de Frankel ? En fait, Ferdinand Lassalle, pour Frankel, je pense, n'a pas tellement... Donc, Ferdinand Lassalle, qui était un militant socialiste en Allemagne, qui a été un temps proche de Marx, puis fâché, enfin, ils n'étaient pas sur la même idée. Pour Frankel, moins qu'un penseur, c'était pas vraiment le penseur, c'est l'organisateur, en fait, pour lui. C'est-à-dire que Lassalle, c'est quelqu'un qui a créé, qui est considéré aujourd'hui comme ayant créé le premier parti ouvrier. Et ça, ça reste important pour Frankel et pour bien d'autres, hein, et même des décennies après. Hein, Lassalle est mort à ce moment-là, mais le parti qu'il avait créé continue d'exister. Cette idée qu'on s'organise en parti politique indépendant des autres partis existants, y compris les partis républicains, parce qu'on s'organise non pas sur une base à proprement parler politique, mais sur une base de classe sociale. On s'organise finalement entre travailleurs, un parti de travailleurs, qui défendra les intérêts des travailleurs de tous les pays. Et là, ça rejoint la dimension internationaliste qui est vraiment consubstantielle à l'engagement de Léo Frankel. Donc cette idée que on forme une organisation politique indépendante des autres. Et ça, pour lui, c'est l'international. Donc c'est pour ça qu'il faut, selon lui, s'affirmer. Il faut créer un journal de l'international à Paris. Il faut créer, si possible, un quotidien. Il faut renforcer les moyens d'expression de l'international. Septembre 1870... L'Empire s'effondre, la République est proclamée, mais la guerre continue. Et elle continue des mois et des mois encore. Les Prussiens avancent, Paris est assiégé, il n'y a plus rien à manger. Au menu du 25 décembre 1870, 99e jour du siège. Hors d'œuvre, beurre, radis, tête d'âne farcie, sardines, potage, purée de haricots rouges au crouton, consommé d'éléphant, entrée, goujon frit, le chameau rôti à l'anglaise, le civet de kangourou, côte d'ours rôti sauce poivrade, roux, cuisseau de loup sauce chevreuil, le chat flanqué de rat, salade de cresson, la terrine d'antilope aux truffes, cèpe à la bordelaise, petit pois au beurre. Entremets, gâteau de riz aux confitures, dessert, fromage de gruyère. Le menu du 25 décembre 1870, pendant le siège de Paris, lu par Daniel Königsberg, un menu dans lequel nous trouvons les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes qui sont consommés. Bah oui, il n'y a plus rien à manger. Julien Schussville, que fait Léo Frankel pendant le siège de Paris ? Alors, il est à la fois un des principaux militants de l'international. Il s'agit de reformer l'international à Paris, de recréer ses sections, de se coordonner. Et en même temps, il s'engage dans la garde nationale, comme la grande majorité des travailleurs de Paris, en fait, tout simplement parce que l'activité économique est quasiment à l'arrêt. On est dans cette ville, il faut bien voir que Paris est entouré de fortifications à l'époque, un Paris assiégé, donc un Paris isolé. Et donc, pour vivre, il y a la solde quotidienne de la garde nationale, 1,50 francs par jour. C'est pas beaucoup, mais ça permet de survivre. Et donc, il s'engage dans un premier temps, donc dans un bataillon qui est dans son arrondissement, le 11e arrondissement, et qui est un bataillon qui est dirigé par un autre militant de l'international, Augustin Avrial. Donc, on retrouve là aussi les contacts militants par rapport à ça. Mais pour lui, l'important, ça reste changer la société, changer la forme d'organisation sociale. Et donc, c'est vrai que ce pari isolé donne aussi l'idée à ces militants-là d'un Paris auto-administré, d'un Paris auto-organisé. Le siège de Paris est levé, la République reconnaît la défaite, nous payons des indemnités folles à l'Allemagne, nous cédons l'Alsace et la Moselle, l'Alsace-Lorraine, la République est proclamée, mais ça y est, tout est réglé. Comment Léo Frankel considère-t-il ce moment très particulier où la Troisième République, ça y est, s'impose en France ? Ce n'est pas cette République qu'il veut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour lui, enfin, ou alors la lutte continue au sein de cette République pour une autre forme d'organisation sociale. Donc effectivement, quand il y a les élections qui ont lieu en février 1871, il est sur la liste des candidats socialistes révolutionnaires à Paris. Bon, il n'est pas élu, mais on le trouve déjà sur cette liste-là. Donc ça montre que son engagement s'est renforcé. Et par la suite, effectivement, quand le gouvernement qui donc est sur une base beaucoup plus conservatrice, qui est un gouvernement, voilà, pour Frankel et les militants comme lui, c'est un gouvernement de la bourgeoisie, au service de la bourgeoisie, donc un gouvernement adversaire. Ce gouvernement a du mal avec ce Paris républicain, ce Paris rouge, ce Paris où il y a une presse très radicale. Donc il va faire interdire début mars les journaux les plus engagés, notamment Le Cri du Peuple, le journal de Jules Vallès, militant qui était relativement proche de l'international. Donc ça va accentuer cette tension entre le Paris ouvrier, le Paris républicain radical et le gouvernement. Comment s'opère la bascule vers le mouvement insurrectionnel ? En fait, l'initiative, paradoxalement, vient du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement considère qu'il faut en finir avec ce Paris rouge, où en plus on a une garde nationale armée. Donc il va falloir la désarmer au fur et à mesure. Et donc l'idée, c'est pendant la nuit du 17 au 18 mars de s'emparer des canons de la garde nationale. Le problème, c'est que d'une part, les gardes nationaux ne veulent pas céder les canons. Ensuite, la population réveillée s'y oppose. Et surtout, le point décisif, c'est que l'armée qui a été envoyée pour se saisir des canons, finalement, elle se rallie aux gardes nationaux et à la foule. Et en tout cas, elle refuse de tirer sur eux. Et donc là, le gouvernement, en voulant faire une épreuve de force, finalement perd le contrôle de Paris en quelques heures. Et la décision est prise de fuir Paris, de se replier sur Versailles. Donc symbole terrible, évidemment, pour les Républicains. Le retour à Versailles, c'est un retour en arrière à plus d'un titre. La garde nationale se retrouve maîtresse de Paris et convoque des élections, ces fameuses élections de la Commune, donc cette auto-organisation de Paris. Le 18 mars 1871, la Commune de Paris, c'est un mouvement qui nous intéresse à travers ce personnage, Léo Frankel. Et Léo Frankel, Communard sans frontières, c'est votre ouvrage, Julien Schussville, publié chez Libertalia. Et nous évoquons ces élections. Eh bien, très bien, allons-y, direction les élections de la Commune. Le comité central de la garde nationale organise des élections communales. On proclame les élus de l'Écluse. L'homme de toutes les insurrections depuis 1830, Malon, militant de l'Association internationale des travailleurs, Thiès, membre de l'Internationale, élu du Faubourg Saint-Antoine, Eugène Varlin, ouvrier relieur, membre fondateur de l'Internationale, organisateur du mouvement ouvrier français, Florence, jeune savant, disciple de Blanqui, élu de Belleville, Édouard Vaillant, ingénieur, membre de l'Internationale, Eugène Potier, poète, élu de Montmartre, Gustave Courbet, peintre, élu du Luxembourg, Jules Vallès, écrivain et journaliste, élu de Vaugirard, Jean-Baptiste Clément, chansonnier poète, élu de Montmartre, Léo Frankel, révolutionnaire hongrois tellement dévoué à la cause du peuple de France que Paris le porte à la Commune. Le 28 mars 1871, ce sont les élections pour la Commune de Paris. C'est un extrait du film Commune de Paris de Robert Ménégoz, un film de 1951. Sur cette journée du 28 mars 1871, Julien Schussville. Alors ça y est, nous avons un jeune homme, il a 27 ans, Léo Frankel, élu. Voilà, Léo Frankel élu, alors paradoxalement pas dans son arrondissement, il est élu dans le 13e arrondissement des Gobelins. Bon, mais alors il est élu parce qu'il est un des principaux dirigeants de l'Internationale à Paris à ce moment-là, tout simplement, et que l'Internationale s'est grandement et tout de suite rallié au mouvement en cours. Et donc un soutien populaire à cette expérience en cours, à cette commune, à cette auto-organisation de Paris. Et donc Frankel, 27 ans, effectivement, un des plus jeunes, mais déjà un militant relativement expérimenté, qui sait où il met les pieds, et donc qui va prendre des responsabilités au sein de la commission du travail. Puisque des commissions sont mises en place, en fait, pour remplacer les ministres. Toujours la même idée, il ne faut pas mettre une personne en responsabilité, donc un exécutif collectif, les ministres remplacés par des commissions collectives. Et donc, la commission du travail, parce qu'il faut changer le travail, c'est changer la société. Communards sans frontières, c'est le sous-titre que vous donnez à votre biographie de Léo Frankel. Communards, bien sûr, il y a cette notion d'espace réduit avec la commune, un espace délimité, et le sans frontières joue là comme l'international. Léo Frankel est-il, dans la commune de Paris, l'étranger, celui qui permet d'être en relation avec d'autres mouvements pendant la commune? Ou, puisque nous sommes sur du temps court et tout va très vite, ce n'est pas possible, il n'a pas le temps, et puis la commune est menacée. Alors, y a déjà quand même un point important, c'est que la Commune de Paris choisit, décide à l'unanimité de valider son élection, bien qu'il n'ait pas la nationalité française. C'est déjà un point important, c'est déjà une affirmation de cette idée de République universelle, peu importe la nationalité. L'important, c'est qu'il ait été élu. La démocratie n'est pas une affaire de nationalité. Donc ça, c'est un point quand même majeur. Et évidemment, Karl Marx, quand il va parler de la Commune après, soulignera ce point important quand même. Et en plus, Léo Frankel, par la suite, est élu en avril à la commission exécutive de 9 membres. Donc, on met à son exécutif un ouvrier de nationalité étrangère. Bon, c'est déjà un point important. Ensuite, Frankel, il est quand même très occupé parce qu'il s'occupe de la commission du travail. Il siège tous les jours au conseil de la commune. Donc, il a déjà beaucoup d'activités. Il correspond un petit peu avec des militants de l'international à Londres, notamment Marx, mais assez peu. Et il semble, enfin, une partie de cette correspondance s'est perdue. Donc, c'est assez difficile de suivre. Et puis, Marx ne veut pas donner finalement tellement de conseils. Il considère que les militants parisiens sont sur place, sont les mieux à même de comprendre les possibilités de l'heure. Bon, Marx aussi a certains communards qu'il n'aime pas trop. Il y a des courants différents dans la commune, hein, c'est pas quelque chose d'homogène. Mais Frankel a des camarades au sein du conseil de la commune, donc avec qui il peut travailler en bonne intelligence. Mais la Commune de Paris, alors certes isolée dans les fortifications de Paris, mais en même temps des relais avec les communes de province, des relais aussi avec des militants dans des petites villes qui vont faire des proclamations en place publique pour qu'on soutienne la commune. Bon, ils sont arrêtés, emprisonnés. Pour nous, historiens, c'est pratique parce qu'on a une trace du coup de ce qu'ils ont dit, parce qu'il y a les rapports de police, il y a les procès, etc. Donc des soutiens quand même à la commune dans différents endroits. Et puis, pendant que la commune elle-même, des meetings organisés en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans d'autres pays, une presse ouvrière enthousiaste pour l'expérience en cours. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette transgression. Ces ouvriers qui, au XIXe siècle, souvent n'ont même pas le droit de vote à cause du suffrage censitaire, là, d'un coup, se retrouvent associés à la direction d'une des plus grandes villes du monde, si ce n'est la plus grande ville du monde. Donc, il y a une transgression de classe de voir des ouvriers qui sont capables, qui disent... En pratique, nous sommes capables d'organiser les choses, de changer les choses, d'organiser la vie quotidienne dans une ville d'1,5 million d'habitants. Et donc, voir des jeunes ouvriers comme ça qui disent « nous pouvons prendre le pouvoir à la place de ceux qui le détenaient », évidemment, c'est une transgression terrible pour la bourgeoisie conservatrice qui ne peut pas leur pardonner. Et puis, vous avez raison, hein, Julien Schussville, de souligner l'importance de ces réseaux et ce regard sur les autres villes de France. Et c'est vrai que Léo Frankel est passé par Lyon. Il y a des contacts partout. Donc, c'est très intéressant de voir que ce mouvement parisien est observé dans la France entière et dans l'Europe et dans le monde. Et justement, dans ses correspondances et ses relations, le 30 mars 1871, donc 2 jours après avoir été élu, Léo Frankel écrit à Karl Marx. Très estimés citoyens, la situation nous est favorable. J'ai été élu avec plusieurs autres membres de l'Association internationale à la Commission du travail. Si cet acte m'a réjoui, c'est que je l'ai apprécié, non au point de vue personnel, mais uniquement pour son caractère international. Il y a un an, j'ai lancé un appel aux ouvriers d'Allemagne où je soulignais l'appui du mouvement ouvrier français, car je voyais dans le prolétariat de ce pays l'avant-garde de l'armée sociale et républicaine. Cette opinion commence à gagner la majorité. Si nous pouvions amener un changement radical des rapports sociaux, la révolution du 18 mars serait la plus féconde des révolutions que l'histoire ait enregistrées jusqu'à ce jour. Elle ôterait aussi tout terrain à toute révolution future, puisqu'il ne resterait plus rien à conquérir dans le domaine social. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Léo Frankel, communard sans frontières, Julien Schussville, il y a du travail à faire pendant la Commune, mais nous l'avons senti dans la lecture de cette lettre du 30 mars 1871 de Frankel à Marx. Il y a cette idée de toucher un moment particulier de l'histoire. Nous y sommes arrivés, tout est possible. C'est quelque chose que peut-être aujourd'hui nous n'avons plus en tête, cette possibilité de tout changer. Mais ces gens-là, cette jeunesse-là, y a cru vraiment en disant « ça y est, nous allons pouvoir changer le monde ». Oui, alors ça c'est quelque chose de commun en fait à toute situation révolutionnaire, c'est que d'un seul coup ce qui paraissait impossible paraît à portée de main. Effectivement, le pouvoir est parti, le pouvoir a été chassé quand même par la mobilisation populaire. Donc l'espoir, effectivement, bon, on est au début c'est fin mars, donc il voit pas, évidemment, il ne sait pas ce que nous on sait, que l'expérience va être très courte, mais il y a cette idée, oui, qu'on va pouvoir changer les choses. Alors on n'est qu'au début d'un processus, donc il va falloir travailler, il va falloir mettre en place des mesures, et c'est pas si évident que ça, c'est-à-dire que rédiger un décret, le faire adopter, ben ça suffit pas à ce que ce soit appliqué, donc il faut faire en sorte que ce soit appliqué. Et pour Frankel, ce qui est important, c'est vraiment de pas imposer le changement social, mais c'est que le changement social vienne des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes. Il faut persuader, et c'est au fond la conscience de classe des travailleurs eux-mêmes qui va permettre de changer la société. Alors, en attendant, ils rédigent des décrets et ils travaillent au sein du Conseil de la Commune pour des mesures d'urgence, pour des mesures immédiates, importantes pour les travailleurs. Mais son idée, c'est que, au fur et à mesure, progressivement, le mode de production capitaliste peut être remplacé par un mode de production coopératif, un travail en coopération avec les coopératives de production, les coopératives de consommation, et que ça va se faire progressivement en renforçant le rôle des syndicats, en formant des syndicats là où il n'y en a pas, en créant des coopératives, et finalement remplacer le patronat par l'auto-organisation des travailleurs. Au fond, même si le mot est un peu anachronique, c'est un peu l'idée d'autogestion, voilà, avant l'heure. Avant l'heure, et puis sur un domaine que Frankel connaît bien, Paris. Pendant le siège de Paris, il a continué des meetings. Et pendant ce moment de la Commune, la notion de meeting ou de réunion continue, tout est débattu. C'est aussi un élément qui est très intéressant dans un monde qui sort de presque 18 ans d'empire, où la discussion est compliquée, où un peu partout en Europe, la discussion est compliquée. Il y a un espace de liberté, un espace où l'on peut parler. Oui, ça c'est très important, effectivement, pendant la Commune, c'est ces clubs populaires qui souvent vont d'ailleurs prendre les églises notamment le soir, parce que voilà, c'est grand, et puis ça a été construit par les travailleurs, les églises, donc ça nous appartient un petit peu, aux travailleurs, on va discuter de tout. On va discuter de tout, tout est possible finalement, tout peut être débattu, et chacun peut prendre la parole, chacun et chacune, on a une présence de femmes dans la Commune qui est importante, et donc tout est débattu localement, avec des idées, une effervescence, beaucoup d'idées qui surgissent, de la créativité, et donc la Commission du Travail reçoit des propositions comme ça pour changer Paris, pour changer la société, une idée comme ça, et si on faisait des moyens de transport souterrains. Ah, ça c'est une idée qui est proposée à la Commission du Travail. Il y a des mesures beaucoup plus immédiates et concrètes, les ouvriers boulangers qui disent on ne veut plus travailler la nuit, donc voilà, il faut interdire le travail de nuit. Et effectivement, ça va être mis en place. On ne veut plus que le patron puisse faire des amendes, des retenues sur salaire, donc on supprime ça, etc. Que faire des ateliers abandonnés? Ces patrons qui ont fui Paris pour aller à Versailles, qui ont abandonné leurs ateliers, qui du coup ne travaillent plus. On va en confier la responsabilité aux travailleurs organisés en coopérative. Eh bien justement, Léo Frankel participe à tout cela avec son rôle lié au monde du travail, car les décisions de la Commune sont nombreuses. Pendant les 72 jours de son existence, la Commune se livre à des gestes spectaculaires, comme l'adoption du drapeau rouge et la destruction de la colonne Vendôme, symbole de l'Empire renversé. Tout aussi symboliques sont les dizaines de décrets que la Commune, assiégée par l'armée gouvernementale, prend tout en sachant qu'elle n'aura jamais le temps de les faire appliquer. Décret sur la remise des loyers. Décret sur la séparation de l'Église et de l'État. Décret sur la gratuité de l'enseignement et des fournitures scolaires. Sur la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers. Sur le muséum d'histoire naturelle. Sur la création d'une chambre syndicale des ouvrières. Sur un nouveau marché Place Monge. Sur l'organisation d'un grand concert au profit des blessés et des prisonniers le jeudi 25 mai, alors que les troupes versaillaises sont en train de reprendre la ville. Un extrait du documentaire Le temps des barricades, le temps des ouvriers, un film de Stan Neumann, avec cette voix, nous l'avons reconnue, de Bernard Lavillier, tout simplement parce que Léo Frankel, lui aussi, était jeune et large d'épaules, communard. Il travaille, il fait changer les choses, il met en place des lois. Léo Frankel est confronté à la réalité du pouvoir, à la réalité de la décision. C'est difficile aussi. Ça se passe bien pour lui, il n'est pas un déçu du mouvement concret de la mise en place de toutes ces idées. Je pense qu'il est surtout, comme beaucoup, assez ennuyé de ces discussions au Conseil de la Commune, parfois très longues, et parfois on a l'impression qu'il y a plus de discussions que de décisions, que les décisions prennent du temps à être prises. Et puis il y a des désaccords, tout simplement, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous sur la même orientation. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps de mettre en place des choses. Voilà. Alors par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec une chose qui est dite dans l'extrait, c'est qu'ils prennent des décrets en sachant qu'ils ne vont pas être appliqués. Non. Ils prennent des décrets, d'ailleurs ils sont appliqués pour un certain nombre d'entre eux. Quand ils votent le report des loyers, les loyers sont effectivement reportés. Par la suite, effectivement, bon, ils savent que ça va être fini, que militairement ils vont être écrasés. Mais dans un premier temps, il y a quand même un enthousiasme et ils pensent effectivement avoir du temps. Donc que progressivement, les choses vont se mettre en place. Et le temps, ils ne l'ont pas. C'est la semaine sanglante à la fin du mois de mai 1871 quand les Versaillais attaquent. C'est un véritable massacre. Léo Frankel, comment vit-il ce moment-là? Comment arrive-t-il à s'en sortir? Alors, Léo Frankel participe avec d'autres élus de la commune à la défense de Paris, à la formation des barricades, à essayer de coordonner les barricades pour, si ce n'est empêcher les Versaillais, en tout cas les ralentir. On le voit participer à des réunions à l'hôtel de ville de Paris. Puis la commune se replie sur la mairie du 11e arrondissement. Puis il se bat sur une barricade et il est blessé assez grièvement. Donc il est emporté par une militante de l'Internationale, Elisabeth Dmitrieff, qui était la cofondatrice de l'Union des femmes pendant la commune, et qui va le soigner, et ils vont s'enfuir en fait tous les deux après la semaine sanglante, en se cachant, en partant sous une fausse identité, et ils vont arriver à s'exiler en Suisse et à survivre, à échapper à la fois au massacre et à l'arrestation, à la répression. Donc Frankel ne sera ni des tués de la semaine sanglante, ni des morts de cette répression, ni des déportés de la Nouvelle-Calédonie. Oui, parce qu'il faut bien souligner la place de toutes ces militantes. Et Elisabeth Dmitrieff est un personnage extraordinaire aussi dans cette histoire de la commune et dans la vie même de Léo Frankel. Elle le sauve. Il faut le rappeler, la peine encourue, le risque, c'est tout simplement la mort d'être fusillé. Et la commune, c'est un véritable massacre après la semaine sanglante. Oui, les Versaillais procèdent vraiment à un massacre terrible. Et par la suite, il y a un certain nombre de procès. Et Léo Frankel, d'ailleurs, il y a un procès en contumace et il est condamné à mort. Bon, donc il est en exil à ce moment-là, mais enfin, il sait qu'il joue sa vie. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Eugène Varlin lui-même est massacré à la fin de la commune par les Versaillais. Donc l'exil est une nécessité vitale. L'exil, nécessité vitale, mais l'exil ne signifie pas, mais au contraire, la fin des combats politiques. Après la commune, comment agit Léo Frankel? Il continue ses combats pour l'internationalisme, pour le suffrage universel. Quels sont ses nouveaux chevaux de bataille? Alors oui, il continue évidemment comme avant. Alors il va d'abord en Suisse, puis il est menacé, donc il va en Grande-Bretagne, il va vivre à Londres. Et là, il intègre le Conseil général de l'International. Il intègre aussi le petit cercle des amis de la famille de Karl Marx. Donc il poursuit son engagement internationaliste. Par la suite, il va aller en Autriche-Hongrie. Et là, il va en Hongrie participer à la création d'un parti ouvrier qui n'emporte pas le nom, qui s'appelle le Parti des non-électeurs, parce que les ouvriers sont exclus du droit de vote, hein, tout simplement. Mais son idée est de former un parti socialiste, un parti qui milite pour le remplacement du capitalisme par le socialisme. Et donc, il participe à ces courants-là. Alors, c'est extrêmement difficile, hein, perquisition, saisie du journal qu'il dirige, emprisonnement. Donc, un militantisme qui se poursuit toujours dans des conditions complexes, quels que soient les pays. Le 12 septembre 1877, Léo Frankel se trouve à Gand, en Belgique, et il prononce un discours. Nous le connaissons, c'est pratique, la police, vous avez raison, Julien Schussville, parce que la police fait des rapports, c'est grâce à cela que l'on connaît ce discours. Dans l'Antiquité, on vendait l'esclave. Aujourd'hui, le capitalisme achète cet autre esclave, l'ouvrier. Le temps de l'abolition de l'esclavage approche. Rousseau, Diderot, Voltaire, Helvétius ont préparé le peuple pour la révolution de 89. Nous préparons l'esprit et l'intelligence du peuple à la grande révolution nouvelle qui doit éclore incessamment. Les religions disent au peuple « Le bonheur viendra après la terre ». Nous voulons que le paradis descende sur terre et nous laissons le ciel aux anges et aux charlatans. Daniel Koenigsberg qui lisait cet extrait d'un discours de Léo Frankel en 1877. Dites-nous, quelle est la portée de ces combats après la Commune? Il est homme de référence, homme majeur. Nous avons suivi avec vous tout son parcours de ce petit ouvrier orfèvre qui s'engage en politique très jeune et qui, à 27 ans, est communard et qui, évidemment, est chassé, pourchassé, condamné à mort. Devient-il un personnage de référence? Alors, il joue un rôle important à la fois dans la Première Internationale, en étant membre de sa direction 1871-1872, puis dans l'organisation du mouvement ouvrier en Hongrie. Donc, il joue un rôle dirigeant à ce moment-là. Mais après un emprisonnement, en 1883, il fait le choix de se mettre un petit peu en retrait. Alors, il cesse pas de militer, mais il veut moins se mettre en avant et il veut plus être impermanent. Il veut se remettre à travailler. Alors, il va travailler comme correcteur d'imprimerie, puis plus tard comme journaliste, tout en gardant les mêmes convictions. Mais il veut plus être sur le devant de la scène. Il veut pas apparaître comme un leader, quoi. Donc, il reste un militant. Bon, par ailleurs, il n'écrit pas d'ouvrage. C'est pas un théoricien. Il écrit des articles. Il écrit des lettres. Il est en contact avec beaucoup de gens. Il écrit des articles en plusieurs langues, puisqu'il maîtrise plusieurs langues. Donc, un militant qui joue aussi un rôle de passeur. Quand quelqu'un, un militant d'Autriche, veut rencontrer Friedrich Engels, bah, il part avec une lettre de recommandation de Léo Frankel. Comme ça, un militant passeur qui a ses idées et qui continue à les défendre, toujours en considérant que c'est par le débat qu'on arrivera à faire passer nos idées. Il meurt en 1896 à Paris. Il est revenu à Paris. Voilà, il revient à Paris en 1889 parce que les socialistes ont cette idée, voilà, ça va être le centenaire de la grande révolution française. Donc le 14 juillet 1889, il faut un congrès socialiste international à Paris. Et Léo Frankel fait assez naturellement partie des organisateurs de ce congrès international. Donc il revient à Paris à cette occasion et puis du coup il s'y installe, il va y rester jusqu'à la fin de sa vie. Il va participer donc aux activités de cette internationale, il participe aussi à des journaux socialistes comme correspondant ou à Paris. Et puis, en fait, il est atteint de la tuberculose, ce qui était assez fréquent à l'époque, pour les travailleurs à l'époque. Et il va mourir à l'âge de 52 ans à Paris. Donc, pas oublié, parce qu'il y a quand même quelques centaines de personnes à son enterrement. Les dirigeants des principaux courants socialistes, Jules Guesde, Jean Jaurès, Édouard Vaillant, Jean Alman. Un militant qui n'a pas de postérité théorique, si on veut. Et ensuite, dans la mémoire qu'il a pu laisser dans un mouvement socialiste, puis communiste, il est proche de Marx, donc on peut imaginer que sa figure est récupérée. Qui est-il? Est-il quelqu'un de statufié comme une de ses références? Alors, éventuellement, il est le communard étranger, finalement. Donc, il est le symbole de l'internationalisme de la Commune. Et il est un communard parmi d'autres, pas celui qu'on met le plus en avant. Mais il est là, il fait partie un peu du paysage. Mais finalement, on approfondit assez peu les idées politiques de Frankel. Qu'est-ce qui était vraiment le fondement de son orientation? On le réduit un peu à ce rôle de communard, un communard parmi d'autres. Alors que cela est plus complexe, Julien Schussville, Léo Frankel, Communard sans frontières, publié chez Libertalia, c'est vraiment cette démarche intéressante de suivre un personnage pour comprendre la construction d'une pensée et puis pour comprendre pas seulement un moment, celui de la Commune, mais cet ensemble de 1844 à 1896, c'est ses dates de vie, c'est-à-dire la deuxième moitié du 19e siècle, comprend ce foisonnement de réflexion politique. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous l'avoir présenté et de nous avoir aidés à comprendre la Commune un peu à travers le regard de Léo Frankel. Il est l'heure maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, les mots pour dire l'histoire au Portugal. C'est un gigantesque monument de béton, de calcaire et d'acier haut de 52 mètres qui a déclenché de nombreuses réactions dans la presse portugaise. Ascenso Simões, député socialiste, a regretté qu'on ne puisse pas envisager la destruction du monument aux grandes découvertes pour effacer le discours de glorification du passé colonial portugais. Quand l'extrême droite appelle à la démission de Simões pour sanctionner son mépris de l'histoire, d'autres commentateurs protestent contre cette tendance à l'effacement de l'histoire qui n'est jamais plus dangereuse que quand on l'oublie. Le monument se dresse dans le quartier de Belém à Lisbonne sur une rive du Tage, tournée vers la mer. Ceux qui connaissent le quartier savent à quel point la vue de cet horizon donne de furieuses envies d'aventures maritimes, de chasse au trésor et de vie libertaire sur des vaisseaux parés de drapeaux à tête de mort. Mais ici, il n'est pas question de pirates. Le programme de cet ensemble statuaire aux atours d'une proue de caravelle est entièrement voué à la célébration des navigateurs qui ont parcouru les mers et permis à la couronne portugaise de s'approprier un des plus grands empires coloniaux de l'histoire, de l'Inde au sous-continent américain, en passant par l'Afrique. Henri le Navigateur en est la figure centrale, entouré de ses nombreux successeurs, parmi lesquels Vasco de Gama et Magellan. Un véritable panthéon de la découverte construit en 1960 sous le gouvernement autoritaire et très colonialiste de Salazar. Dans cette polémique qui en rappelle bien d'autres en cours dans toutes les anciennes métropoles coloniales, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France ou en Espagne, les monuments et les statues qu'on ne regardait plus ou qu'on abandonnait à l'émerveillement des touristes sont aujourd'hui rechargés de sens et les mots pour dire l'histoire avec eux. Grande découverte, une référence à la fois exaltante, une tension vers l'étranger et l'étrangeté, un enthousiasme face à la perspective du dépaysement, de la connaissance du monde. Mais cet élan positif est immédiatement gêné aux entournures dans sa générosité et son intérêt par une autre question. Qui découvre quoi ? Et celles et ceux qui ont été découverts, qu'en ont-ils tiré en dehors de la rencontre d'une Europe convaincue de sa supériorité ? Parce que plutôt qu'une démonstration du génie européen célébrée jusqu'à nos jours, les grandes découvertes désignent la rencontre de civilisations jusque-là étrangères les unes aux autres. Rencontre, découverte, changer les manières de dire renverse la hiérarchie entre ceux ou celles qui déclenchent le récit. Elle l'abolit même entre celles et ceux qui font l'histoire. Changer les manières de dire cette histoire, c'est rendre à tous les acteurs leur capacité d'agir. Et changer le récit de ce qui nous est arrivé à tous, un événement commun avec des interprétations plurielles. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh, avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay. Merci à Marion Dupont, Anne Toscan-Judès, Odile Joessel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwenn Guizhou pour ces émissions qui sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous poursuivons notre exploration de la commune en jetant un œil sur les clichés de la commune, avec les deux sens de clichés, bien sûr.